Qu'est-ce que tu penses de l'OVNI? L'OVNI qui était à la place Bonaventure cette semaine. Est-ce que c'était un OVNI ou... Je ne pense pas. Qu'est-ce que tu sais sur l'OVNI? Ou sur l'événement qui ressemblait à ça? C'était un OVNI. C'était un objet, disons, c'était un objet immobile non identifié. Est-ce que tu veux savoir si c'était un vaisseau extraterrestre? Je veux savoir ce que c'était. Ah, on a peur de mettre les bons mots, alors on va venir, ça. Non, ce n'était pas un vaisseau extraterrestre. Qu'est-ce que c'était? C'était un magma. Que veut dire? Un magma de matière ectoplasmique. Ectoplasmique. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. C'est une... dans certains contextes particuliers de... de rayonnement, de radiation, des contextes météorologiques particuliers, il y a des apparitions, l'énergie vitale devient plus exprimée et on peut avoir de temps en temps des formes ectoplasmiques, des magmas, des amoncellements particuliers d'énergie vitale qui ont une tendance à se matérialiser et puis ça peut être, c'est perceptible. L'énergie vitale a tendance à s'accoler aux aurores boréales, mais il y a aussi une ionisation de l'air qui va faire en sorte qu'il y aura des couleurs. De temps en temps, après certains câbles à haute tension, dans certaines conditions particulières de temps et de conditions électromagnétiques, on peut avoir des magmas d'ectoplasme qui vont apparaître. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est arrivé. C'est un magma de matière ectoplasmique. Ça ne prouve pas que les ovnis existent, mais ça prouve que l'énergie vitale existe. Est-ce que ça dégage de la lumière? C'est relativement luminescent. L'énergie vitale est toujours luminescent. Quand, par exemple, dernièrement, il y a eu une activité en forêt où les gens pouvaient percevoir de l'énergie vitale, certains ont vu aussi des entités de la nature, c'est toujours sous forme de luminosité, très, très, très faible, c'est subtil, mais dans certains cas, effectivement, ça devient assez évident, ce qui fait que ça devient assez clair. D'ailleurs, tu t'es promené dans le bois avec moi à un moment donné, on va dans une place qui est extrêmement yin, donc extrêmement noire, puis juste le fait qu'on rentre là-dedans, tout devient éclairé, enfin, pas vraiment plein jour, mais... L'énergie vitale, c'est une forme de luminosité. Est-ce vrai qu'il y a trois pays sur la Terre qui possèdent la machine à voyager dans le temps? Ah, tiens! Il y a effectivement déjà des... Oui, on ne peut pas dire non. Quels sont ces pays? J'aimerais bien pouvoir mentir. Je peux ne pas dire, mais... Quels sont ces pays? C'est ça, oui, mais... C'est déjà su, il y a des personnes qui le communiquent, et puis moi je ne communique pas, mais il y a des personnes qui communiquent, et c'est bien. Je ne le dis pas. 1993 était l'année du début de la fin des temps, telle qu'on le conçoit. Ben, telle qu'on le conçoit, il y a plus de 5 milliards de conceptions de la fin du temps, là, mais... 93, c'est ça, comme on le conçoit. Oui, pour la personne, comme elle le conçoit, oui. Parce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 67, c'est le début. 79, c'est réellement le début. 81, c'est vraiment le début. 85, ça, c'est tout un début, mon ami. 90, c'est le début. Mais le début de quoi? Bonne question. Les conflits militaires armés globales devrait commencer dans les environs de 93. Selon les livres d'histoire que j'ai lus. Maintenant, comme je le dis, les historiens sont comme les historiens. C'est toujours un peu faux. C'est vrai. Les manifestations d'avant-hier dans le ciel de Montréal étaient-ce une illusion? C'est la même question que tantôt. Et c'est ça, c'est une illusion. Il y a des personnes qui ont vu une illusion. Ceux qui ont pensé voir quelque chose de... bon. Mais il y avait quelque chose dans le ciel qui n'était pas une illusion. C'était un magma ectoplasmique. Peux-tu me définir ce que sont les archers? Quelle est leur mission et leur pouvoir? On y revient. C'est intéressant. À l'âge de 16 ans, j'ai pris de la drogue. Mon fils... Tant qu'on la fume pas ou la consomme pas, si on en prend, aucun problème. Mon fils réincarne ses mémoires présentement. Il a 16 ans et il a commencé à se droguer. Comment cesser ses réincarnations chez lui? Votre fils doit se conscientiser à la mécanique réincarnationnelle. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas, nous, intervenir dans l'évolution de quelqu'un d'autre. C'est karmiquement très problématique. On doit simplement, si votre fils a passé par là, il va passer par là. Vous n'êtes pas si pire que ça aujourd'hui. Je ne dis pas que l'expérience est écologique, que c'est plaisant. Par contre, la conscientisation, la sensibilisation à certaines choses, à la valeur de la vie, par exemple. Je ne parle pas juste de la valeur de rester vivant. Je parle de la valeur cosmique de la vie. On va en parler de toute façon dans les prochaines semaines. C'est la seule chose qu'on peut faire. Sans avoir de retour karmique, on peut faire plein d'autres choses, mais c'est karmiquement pénible. L'initiation solaire se fait-elle en une fois ou en plusieurs étapes? Voilà, tout à l'heure j'ai tenté de l'expliquer, mais je me suis interrompu trop souvent. J'ai pas pu. L'initiation solaire se fait en plusieurs étapes. Donc une personne vit quelque chose et après ça, elle pense qu'elle a fini, mais ça se fait en plusieurs étapes. Et les étapes sont progressivement de plus en plus évidentes, solairement ou énergétiquement de plus en plus puissantes. Et par la suite, c'est de plus en plus puissant, mais ça passe de mieux en mieux. S'initie-t-on soi-même? Non. Et oui. Pendant le début, non. Et plus on devient maître contrôleur, plus on devient nous-mêmes chez soi le propriétaire du véhicule, plus nous allons initier tout le véhicule corporel terrestre à la vérité cosmique. Donc, finalement, oui, on s'initie soi-même, mais au départ, c'est la vie. La vie peut être représentée par des événements, par d'autres personnes, par des situations. Au départ, c'est la vie. L'antihomme est-il la même chose ou la même énergie que l'ego? L'antihomme, c'est 95% de votre ego qui fait tout pour que vous n'avanciez pas. Et il y a un 5% qui, lui, d'accord d'avancer, c'est les mémoires de votre très, très, très, très jeune enfance. Tout le reste au complet fait partie de la mécanique anti-homme qui, elle, est relativement contre toute forme de progression non traditionnelle. Puis dans la tradition, il y a une grosse tradition puissante qui est celle de « ne lâchez jamais la tradition ». Vous avez déjà parlé de deux oiseaux attachés ensemble qui ne peuvent pas voler. Que voulez-vous dire au juste? Ben, j'ai fait me poser la question quand je l'ai dit. Ça l'aurait aidé. Ben oui, si tu attaches deux oiseaux l'un à l'autre, ils ont quatre ailes, mais ils ne peuvent plus voler. On parlait surtout des relations affectives, émotives, psychologiques. Alors, on fait donc une conférence donc, à cette époque qu'on peut faire un parallèle avec l'amour, l'amour conditionnel, comparativement à l'amour intelligent, entre autres. Deux oiseaux peuvent vivre ensemble, tout est parfait, donc on peut vivre effectivement par relation sentimentique, relation de présence, relation énergétique, c'est de l'amour intelligent. Mais quand deux personnes sont attachées, alors par exemple, vous vous ennuyez quand l'autre n'est pas là, il y a ceci, il y a cela, on est jaloux, on est colérique, on est ceci, si on attache deux oiseaux, ben c'est ça, et maintenant ils ont quatre ailes, tu sais, mais ils ne peuvent plus voler du tout, c'est ce qui arrive souvent aussi avec les individus qui vont finir par s'attacher l'un à l'autre. Ça n'empêche pas, par exemple, que je peux aimer mes enfants, mais je ne suis pas attaché à mes enfants. Et puis, si eux ne sont pas attachés à moi, ils pourront évoluer et finalement se conscientiser, s'émanciper d'une façon totalement libre, naturelle et très ajustée à eux, donc une façon parfaite pour eux. Alors que s'ils sont mal pris avec moi, on est attachés ensemble, mais dans leur évolution, il y a des choses que j'aime pas, ce qui fait qu'il faut qu'ils cessent d'évoluer là-dedans, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que pour l'initiation solaire, nous devons être initiés par des êtres initiés, ou si cela arrive sans l'aide d'un initié? Cela peut arriver sans l'aide d'initiés, et ça peut arriver avec l'aide d'initiés. Est-ce qu'il y en a un qui est moins douloureux? Ben, c'est évident que est-ce que le fait, par exemple, d'avoir de l'information de... Ben, oui, ça dépend. Si tu as à être initié par un être initié, ça va être moins douloureux. Tu n'as pas à être initié par un être initié, tu vois qu'il va être dur à endurer. Puis ça, on le choisit pas, on le sait pas. C'est ça. C'est bien le fun, ça, des réponses, hein? Ah ouais, mais je peux vous compter des pipes aussi, si vous voulez. Même des cigarettes, toi. Des players, c'est vrai. J'ai accepté un héritage de ma mère. Que faire avec ce karma? Ça viendra me voir après. Débarrasser de ça, moi. Bon, si je réponds, je vais donner un conseil, je ne donne jamais de conseils. Ben, je peux donner des petits conseils, c'est pas dangereux. Il y en a un des conseils, entre autres, ce serait d'écouter une des conférences que j'ai faites sur le karma. Alors, comme ça, vous pourriez apprendre, et en fonction de ce que vous allez saisir, vous allez vous-même décider de ce que vous faites avec ce karma. Il y a bien des façons de purger un karma. Mais effectivement, quand on reçoit un héritage, on ramasse le karma de l'autre. Et ça a des bons côtés. Ça a aussi plein de mauvais côtés qu'on ne voit pas. On voit les bons côtés, mais les mauvais côtés, souvent, on les voit moins bien. Alors, ce serait surtout de vérifier. Fiez-vous à votre intuition, ou bien, vous pouvez vous référer à une ou deux conférences que j'ai faites sur le karma. Je cherche en même temps, j'ai déjà parlé justement des legs et des héritages, mais en tout cas, dans les mécaniques du karma, ces choses-là, on va retrouver. Puis c'est la meilleure façon d'arriver à, par la suite à prendre une décision, d'être manipulé, hein? Mais pas par moi. C'est toi qui parlais sa cassette. Non, parce que je donne uniquement plein d'informations. Sauf que c'est général. C'est suffisamment général, ce qui fait que l'information vient se mêler avec ce que l'individu a déjà. C'est évident que tu prends un livre, tu es manipulé par le livre. Sauf que si je dis à la personne, eh bien voilà, ce que vous devez faire, c'est ceci, cela, cela, cela, cela, cela, cela. C'est moi qui vais le transfert du karma, tu sais, ça ne me tente pas. À ce moment-là, c'est toi qui l'aurais. Je n'aurais une partie. C'est ça. Alors, je ne veux pas en avoir une partie, donc. Vous irez le voir après. Je vous dirai d'aller voir Daniel, puis il ne voudra pas. Votre question, suis-je ici? Un jour, brusquement. Faisant référence à la première partie, tu as demandé si. Si tu l'as compris, je l'avais compris. Je te l'explique au cas où. Alors, vas-y. Un jour, brusquement, pour rien, j'ai eu le sentiment profond que moi, ici, n'est pas la totalité de moi. Le reste est ailleurs, je ne sais où, ou une ou plusieurs parties, autres parcelles, je ne sais pas. Moi, je sais. Est-ce que le reste de moi me connaît ici sur Terre, dans ce corps? Non. Je ne sais pas. Moi, je sais. J'ai été dérangé, le sentiment est parti, pourtant il en reste quelque chose. Oui. Je suis pareil qu'avant et je ne le suis plus. Évident. Est-ce que l'initiation solaire rétablit l'unité des parcelles par télépathie ou autrement? Ah, voilà. Bon, je ne lirai pas tout, mais... L'initiation solaire va rétablir effectivement une unicité télépathique, mais en réalité, c'est énergiopathique entre la majorité des parties. Ça ne réunit pas les parties, pas encore. Il y a beaucoup de migrations par transport séraphique qui devront être faites. Il y aura donc, en tout cas, je vais passer sur les détails, des détails qui... Bon, en conférence spéciale, on pourrait s'amuser longtemps là-dessus. Je vais même la conserver. Je vais faire une conférence là-dessus. C'est très bon. Et puis là, la réponse. Ah oui. C'est quoi la question? Alors bon, je répète, mais je réponds quand même. Un jour, brusquement, pour rien, c'est jamais pour rien, mais l'ego ne l'ayant pas prévu, pour rien, j'ai eu le sentiment profond que moi, ici, n'est pas la totalité de moi. Le reste est ailleurs, je ne sais où. Oui, le reste est ailleurs, à travers des mécaniques d'effusion. La personne, si elle veut quelques petites informations, il y a une conférence que j'ai faite, c'est le processus d'effusion, ou quelque chose comme ça. Il y a effusion là-dedans. Il y a juste un titre avec ça. Ça va vous expliquer énormément où vous étiez. Bon. Plusieurs autres parcelles, je ne sais pas, c'est un fait. Ça fait partie du savoir qui passe. Après ça, on a une trace de « on ne sait pas, on ne sait plus ». Bon. Et le reste de moi connaît ici sur Terre, dans ce corps. Bon, j'ai été dérangé, c'est évident. L'ego a eu un choc, un petit choc, petite initiation. Le sentiment est parti, c'est-à-dire qu'on n'a plus le contact, il reste la mémoire, donc il va rester l'émotivité du contact. Pourtant, il reste quelque chose, l'émotivité. Je suis comme avant, mais je ne le suis pas. C'est évident parce que vous êtes astralement comme avant, réincarnationnellement comme avant, mais dans votre conscience, il y a un peu plus de lumière, plus de conscience. Vous n'êtes plus comme avant. Et souvent, on va dire, oui, mais presque rien de différent. Vous savez que le petit rien de différent, c'est ce qui peut faire la différence entre ceux qui sont conscientisables et ceux qui ne le sont pas encore. Ça fait, c'est comme par exemple, vous avez un petit peu d'essence dans votre réservoir d'automobile. 2 gallons. L'autre, il n'en a pas. Pas grande différence. Non, mais il y a une mauvaise différence. Il y en a une qui peut rouler, l'autre ne peut pas. Donc, est-ce que l'initiation solaire établit l'unité des parcelles par télépathie, par énergiopathie? Oui. Non. J'en profite parce que quand j'ai des bonnes questions, j'y refilerai après. Faut-il comprendre que prochainement, beaucoup de personnes vivront l'initiation solaire? Bon, on peut comprendre. On n'est pas obligé de le comprendre, non, mais est-il possible? Je vais refaire la question. Qu'est-ce qu'on dit beaucoup quand on dit plusieurs, faut s'entendre? Que prochainement, beaucoup de personnes vivent l'initiation solaire? Par rapport à la quantité d'humains sur la planète ou par rapport à la quantité d'humains dans la salle? Dans la salle. Mais je ne dis pas dans la salle combien il va en avoir. Mais par rapport à la quantité d'humains dans la salle, il va en avoir beaucoup plus qu'il y a de personnes dans la salle. D'ailleurs, en termes de chiffres, on va avoir dans les 5 prochaines années, 6 prochaines années, approximativement Ah, c'est quand même beaucoup. Bon, à peu près 300 à 350 000 personnes qui vont vivre l'initiation solaire. Sur la planète. Sur 300 à 350 000 personnes. Combien au Québec? Il y en a combien au Québec? Mais 86 %. C'est précis. Il y en a qui ont des drôles de questions. Ça, hein? Dans la salle. Ah, continue, là. Continue. Parce qu'il reste à Ville-la-Salle. Il y en a combien dans les 86 % du Québec qui vont à des conférences? C'est quand des drôles de questions, hein? C'est quand des drôles de questions. Non, il ne faut pas en dire plus, parce qu'à un moment donné, il y a des égos qui vont finir par en profiter, qui vont embarquer, on va se prendre au sérieux, on travaillera plus sérieusement, et puis... Le reste, les 14 autres % est-ce que ça va être principalement en Amérique? 2 % en Amérique, puis 12 % ailleurs, en Europe surtout. Est-ce que cela veut dire que c'est quelque chose de nouveau, que dans le passé, on vivait beaucoup plus l'initiation lunaire? Exact. Il y a eu des exceptions, mais à l'exception des exceptions, effectivement, c'était l'initiation lunaire qui s'est toujours vécue dans le passé. Même une initiation lunaire peut être extrêmement lumineuse. Est-ce que le bûcher, à l'époque, c'était une initiation solaire, ça? Non, c'est une initiation... c'est une ignition. C'était réellement une initiation. Tout court, une ignition lunaire. Dans une conférence antérieure, vous avez mentionné que ceux qui se trouveraient dans votre entourage au moment des événements apocalyptiques bénéficieraient de votre capacité à vous retirer dans un repli du temps pour éviter ces événements. Hey, j'en dis des choses. Tu dis ça? Je fais ça en conférence régulière, certain. Vers quel endroit dois-je me diriger? Faut-il être... Je peux pas me dire ça en public? Ils vont tous aller là. Faut-il être membre de votre académie pour être de ces privilégiés? Ça, c'est une assurance vie qu'on appelle. Elle coûte combien, la police d'assurance? Il ne faut pas être membre de l'académie pour être dans mon entourage ou pour être dans quoi que ce soit. Ce que j'ai expliqué, c'est que c'était évident que ceux qui seraient dans mon entourage, l'entourage peut être énergétique, que ceux qui seraient dans mon entourage auraient certaines choses. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans mon entourage n'auront rien. Prenez bien l'idée. Ceux qui sont sur la route vont arriver. Ceux qui sont sur la 40, par exemple, vont arriver à Québec. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sur la 20 n'y arriveront pas. Il faut que ce soit déjà bien clair. Il y a des gens qui vont y arriver comme ça tout seul parce qu'ils font partie des gens qui sont des gens qui vont finir par être comme moi. Puis il y en a d'autres qui vont, on va le faire ensemble. Puis pas uniquement parce que faut comprendre une chose. Si les gens ont besoin de moi, c'est que nécessairement j'aurai besoin d'eux. Il faut que ce soit bien clair. Parce que sinon, je serais seul. Bon. Est-ce qu'il faut faire partie de l'académie? Non. Ça n'a absolument rien à voir. L'académie, c'est une académie qui forme des gens à devenir leur maître contrôleur, qui, par des techniques, sont adaptées à l'être humain du Québec. Entre autres, surtout avec une génétique du temps présent, peuvent facilement arriver à intégrer des choses que je vais dire ou des choses qu'ils vont eux-mêmes conscientiser. Ça travaille le corps, ça travaille sur d'autres plans, etc. Bon, c'est des techniques. Il y a des individus qui n'ont pas besoin, des individus qui n'auront besoin, ça dépendra des personnes. Ça facilite pour plusieurs personnes énormément le travail. Par contre, il faut absolument être membre de ce que j'appelle la chevalerie planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre attitude doit être une attitude d'homme ou de femme nouvelle. C'est tout. Il ne faut pas être membre de rien pour ça. C'est comme, par exemple, est-ce qu'on doit être membre d'une école d'écologie pour être écologiste? Absolument pas. Fais attention à ce qui est à l'extérieur, soit intelligent, soit conséquentiel, t'es écologiste. Ah, mais j'ai pas de diplôme. Oui, tu n'as. Lequel? T'es écologiste. C'est simple. Par contre, si on fait affaire avec une école d'écologie, on peut apprendre plus de choses peut-être plus rapidement. Pour ceux qui sont capables d'apprendre dans une école. Mais on n'a pas besoin d'être dans une école pour être écologiste. Hein? Ça n'a rien à voir. Si, il manquerait bien juste ça qu'on soit obligé d'être dans une académie, dans une école ou dans une religion pour évoluer. Ben, c'est ce qu'on a traditionnellement vécu. Oui, absolument. C'est sûr que si, par exemple, vous vibrez avec d'autres individus, vous allez vous grouper. Mais c'est pas essentiel de vous grouper que ceux-là pour vous en sortir. Mais ça peut être drôlement plus agréable, par exemple, d'être groupé avec des gens qui sont de votre calibre, énergétiquement. Mais c'est pas une chose, une mécanique sine qua non. Manquerait bien que ça. Ça voudrait dire que tous ceux qui sont pas à Montréal, ils sont finis. Ah ben non. Qu'est-ce que tu fais de montagne? Je m'aime fils. Et de montagne. Je m'infusais à l'inspiration, je faisais comme à l'inspiration, je faisais comme si j'aspirais la partie consciente de moi-même qui se logeait dans mon corps éthérique. En rétention, je bougeais consciemment à l'intérieur du cerveau. En expirant et à vide, je faisais comme si je rejoignais la source supramentale. Pourquoi cette impression alors d'être devenue une immense cellule avec battement de cœur? Parce que la personne, elle a menphisé. Elle a fait une démarche flottante mentale, qu'elle connaisse la technique ou pas, c'est une technique PMC, mais elle a fait une démarche flottante mentale. Et sa menphisation finit par faire en sorte que la conscience, la menphisation sert à ça, entre autres. La conscience de la personne a fini par s'établir au niveau de chacune de ses cellules. Donc, elle a senti, elle a fini par avoir une conscience cellulaire. Elle a senti, tout le chronomètre, tout le rythme corporel. La menphisation, à un certain niveau, elle te permet, par exemple, de placer ta conscience uniquement dans une coupure et de faire travailler les cellules cicatricielles pour qu'on en finisse. Puis quand tu reviens, ben, mais quelle que soit la blessure, elle peut être cicatrisée en pas grand temps. La personne, elle a simplement, elle est devenue une cellule au niveau de la conscience. Je n'étais plus qu'une pulsion sans émotion, sans pensée, avec quelques paroles dans la tête quelquefois. Cela fait bizarre. Donc, la manifestation n'était pas encore tout à fait parfaite, mais elle était extrêmement avancée. Fait bizarre, oui, parce que l'ego n'a pas connu l'expérience, donc c'est bizarre. Mais c'est très bien, c'est très bien. Cette personne-là, elle a une puissance d'apprentissage, vous savez, parce qu'elle a appris des techniques de base. Un maître, qu'est-ce que c'est? Un maître, c'est une personne qui apprend de par lui-même. Donc, il est le maître. Il est son seul maître. Ça ne veut pas dire qu'il contrôle tout le monde. Il est son maître. À lui, il apprend de par lui-même. Mais ça n'empêche pas de lire un livre, par exemple, de suivre un cours. La personne ici, elle a appris Menfi, et subitement, eh bien, elle innove. Elle fait d'autres choses. Elle, bon, voilà. Elle est un maître. Et elle peut maintenant développer de nouvelles techniques, les ajuster à elle-même, puis elle avance sans avoir besoin d'attendre après les autres, les instituteurs ou les autres, ou les élèves. C'est très bon, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. S'autoriser à innover. J'ai une ou deux questions ici qui font référence à d'autres individus qui sont des conférenciers. Et puis je sais qu'on ne parle pas des autres individus, alors je t'épargne, si tu veux y répondre, tu y répondras, mais je ne les lis pas. Bon, d'accord. Il y a au Québec, je réponds pour la personne, d'autres pourront saisir un petit peu, puis vous comprenez simplement qu'étant donné qu'on cite des noms de conférenciers ou ces choses-là, effectivement, je ne veux pas parler des conférenciers. C'est à vous de vous faire une opinion, et les personnes qui ne les connaissaient pas, si un jour vous les connaissez, vous allez avoir mon opinion déjà chez vous. C'est pour ça que je parle en langage d'oiseau. Langage d'oiseau, c'est parce que quand on marche dans le bois, on pense qu'ils chantent, hein? Mais ils se parlent entre eux autres, on n'entend rien. Bon. Il y a un personnage présentement qui a comme travail à diffuser de l'information ésotérique. Ce personnage-là, il a un rôle extraordinairement puissant. Il n'est pas totalement conscient de tout ce qu'il fait. C'est un personnage qui, quand je dis puissant, est formidablement puissant, en ce sens qu'il a la capacité de résister à l'évolution ou à la conscientisation pour continuer à faire un travail de vulgarisation. Et ça, il faut le faire. Vous allez dire, il n'y a pas la conscience à rendre compte, c'est pour ça qu'il le fait. C'est vrai. Chose certaine, c'est que moi, avec la conscience que j'ai, je ne pourrais pas. Je ne pourrais plus. Le travail qu'il fait est absolument formidable. Il communique, il travaille au sous-sol. Il est en train d'organiser le chauffage. Toute la maison va en bénéficier. Mais ça paraît moins. Là, on regarde ceux qui font les murs, qui, bon, c'est beau. Ceux qui font la finition. Des extraterrestres et des intraterrestres. Quelle influence subissent certains conférenciers dans la province de Québec par rapport à eux? Il y a des personnes qui ont été manipulées pendant longtemps par des intraterrestres. Les intraterrestres se font toujours passer pour des extraterrestres de toute façon. Moi, je répète qu'on doit, nous, être des terrestres extra. Comme ça, quand on va les rencontrer, bien, on sera à égalité. Il a été manipulé, d'autres ont été manipulés par les intraterrestres, par les extraterrestres. Et présentement, la majorité des conférenciers, pas tous, sont manipulés par des mécaniques astrales, des mécaniques réincarnationnelles ou des mécaniques intraterrestres. Jusqu'à quelle initiation Jésus-Christ s'est-il rendu? Jésus-Christ, il s'est pas rendu loin, Jésus-Christ. On doit comprendre que Jésus, c'est l'enfant. L'énergie supramentale, on parle d'un faisceau michaélien, le Christ, c'est l'énergie supramentale, c'est descendu dans un corps physique. Ça a fait un compromis avec l'ego de Jésus, et c'est devenu Jésus-Christ. Par la suite, sur la croix, le Christ est parti. Jésus, l'enfant, s'est réveillé en disant, « Père, pourquoi m'abandonnes-tu? » Alors, Jésus-Christ n'a pas vécu d'initiation telle quelle. C'est Jésus qui a subi. Jésus a vécu d'initiation. Et le Christ, lui, a vécu des initiations en descendant et non pas en remontant. Tandis que Jésus, lui, partait du sol, il a vécu des initiations en montant. Il a vécu une initiation solaire totale qui lui a fait voir toute la phénoménologie de l'évolution cosmique, de la présence de l'homme sur la planète Terre, de son rôle cosmique dans l'univers. Mais évidemment, avec le corps physique qu'il avait à l'époque, il n'a pas pu tout à fait comprendre, appliquer, changer les choses. Jésus s'est réincarné à travers le temps, alors que le Christ lui-même, le phénomène, l'intelligence, la conscience, l'esprit, ça s'est totalement résorbé depuis, on dit 2000 ans, mais un peu moins de 2000 ans. Ma mère est décédée d'un accident d'automobile. Pas d'opération, pas d'autopsie, pas embaumée. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie... dans sa vie de ses... je vais le lire... pour ses 11 enfants, pas eu de temps de faire aucune forme d'évolution, morte ignorante. Peut-elle se dissoudre dans l'astral ou se réincarner parmi nous? Elle se réincarne à d'autres choses, oui, elle se réincarne parmi nous. Votre mère se réincarne en partie chez vous, elle n'a pas le choix, elle le faisait même de son vivant. Et puis, effectivement, une grande partie va gagner le monde de la mort pour, à un moment donné, se réincarner dans des corps physiques qui vont pouvoir accepter les mémoires de votre mère. Ça a plusieurs avantages, dès qu'on ne fasse pas d'autopsie, qu'on ne fasse pas d'exposition, ces choses-là. Ça a des avantages aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça évite de tourner le couteau dans la plaie. Donc, c'est très bon. Puis, cette dame, ben, elle se réincarne effectivement à travers la famille, puis elle va aussi gagner le monde de la mort, puis elle va se réincarner pluralitairement un peu plus tard. Cet été, je me suis fait voler une moto. J'ai eu un accident de moto. Arrête de se faire voler avant. Mais oui, c'est... Et deux accidents d'auto. Est-ce une attaque astrale ou du karma? Une chose est certaine. Faites attention. Si je vous dis qu'est-ce que c'est, ça ne sert à rien. Quand vous saurez ce que c'est, vous allez pouvoir commencer à bouger des choses. Mais une chose certaine, faites attention. Il y a des chauffeurs de taxi dans la salle. Il paraît qu'on a plus, on a plus de chances d'être touché deux fois par la faute ou de gagner un million à la 1649. Alors moi, je suggère à tous ceux qui gagnent un million, sortez pas quand il pleut. Faites attention. Surveillez-vous. Vous allez finir par voir des choses. Mais c'est évident qu'il nous arrive toujours des événements en fonction de ce qui se passe chez nous. Et ça n'a pas un rapport direct. Vous avez un accident d'auto. Ça fait 3 semaines ou ça fait 1 an que vous savez que vous ne devriez plus vous coucher après 11 heures. Mais c'est ça. Votre savoir ne sert à rien, puis il y aura des correspondances bien bizarres à l'extérieur. Ah oui, si je me couche avant 11 heures, j'aurai plus d'accident. C'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. Mais effectivement, si vous couchez avant 11 heures, peut-être qu'il n'y aura plus d'accident. C'est comme niaiseux, hein? C'est niaiseux. Mais le pire, c'est que ça fonctionne. On sait ce qui va. Si les 3 accidents sont arrivés à 2 heures du matin, c'est pas niaiseux. Moi, je dis que tout ce qui nous entoure, c'est un baromètre de notre évolution, de notre conscientisation. Plus vous allez appliquer ce que vous savez, plus les choses vont devenir jolies et plaisantes. À un moment donné, vous allez savoir de nouvelles choses. Vous ne l'appliquez pas, ça recommence à pourrir autour de vous. Ça ne vous lâchera pas. On doit appliquer. Plus on en sait, moins on applique, pire c'est. Eh bien, c'est ça. Avant de m'endormir, je vois plein d'images se succéder les unes aux autres, puis c'est la grande noirceur, c'est-à-dire plus rien. Une série d'images reviennent et je suis à nouveau là. Si l'astral quitte le corps physique, me laissant inconsciente dans ce qu'on appelle le sommeil. Pourquoi la conscience qui voyait toutes ces images se fait-elle omnibuler? L'astral... Bon, répète-la, je vais répondre. OK. Si l'astral quitte le corps physique, me laissant inconscient dans ce qu'on appelle le sommeil, pourquoi la conscience qui voyait toutes ces images se fait-elle obnubiler? Bon, on doit comprendre une chose. La conscience s'exprime chez la majorité des individus par le biais du corps astral. Quand le corps astral décolle, c'est un peu comme si vous écoutez. Puis à un moment donné, la radio qui vous fait écouter la musique, elle s'en va. Et vous dites, comment ça fait que j'entends plus rien? Vous continuez à écouter, vous continuez à entendre, mais vous n'entendez plus la musique. L'émetteur continue à émettre, il vous manque le récepteur. Le corps astral, dans la majorité des cas, sauf chez les individus qui deviennent suffisamment vivants, conscients de leur présence intelligente, donc centrés dans leur intelligence, et non pas dans leur intellectuance ou dans la mémoire, ces individus-là vont continuer à travailler, à être là, malgré que le corps dort, que le corps vital dort, puis que le corps astral est parti en voyage astral, donc il dort lui aussi. Alors c'est donc tout à fait logique quand l'astral décolle, que la conscience n'ait plus de contact. Comment l'astral arrive-t-elle à bloquer la conscience? Elle ne bloque rien, elle s'en va simplement, puis c'est simple, c'est comme ça. On dirait que l'astral ensorcelle la conscience. Cette période de non-astralité dans le corps physique permet-elle à une énergie de restructurer le corps physique dans un processus d'évolution exponentielle vers le supramental? Oui, si l'individu est capable d'être conscient, disons de menphiser. Menphiser, c'est le mental qui contrôle le physique, d'où les mots menphi, mental, physique. Alors nécessairement, la personne pourrait profiter de ces occasions-là. Est-ce pendant ce temps-là, par exemple, que les neurones et leurs circuits sont restructurés? Les neurones ne sont pas restructurés, mais les circuits, les axones, les dendrites, les circuits, les périphériques axoniques peuvent être restructurés. Mais c'est restructuré pas pendant ces périodes-là, c'est restructuré uniquement si vous faites un travail volontaire et conscient. Je donne un exemple. On respire de l'énergie vitale sans arrêt. Vous respirez consciemment, c'est une pratique RESCON, vous respirez consciemment, vous ramassez beaucoup plus d'énergie vitale. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des capteurs qui vont s'ouvrir. Le fait d'être présent là change la forme du corps physique. Ça change les choses. Vous mangez consciemment, vous allez digérer et assimiler beaucoup mieux. Vous mangez sans vous en rendre compte, la vitesse n'a aucune importance, vous n'aurez pas le même résultat. Alors si, par exemple, la personne fait de l'isométrie cérébrale, technique AJPN, ajustement de la pensée, la personne fait de l'isométrie cérébrale, dans son isométrie cérébrale, elle compte. Elle fait un comptage pluralitaire, un comptage isométrique. Elle le fait consciemment. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle fait 1, 2, 3, 10, 4, 9, 5, puis on descend. Elle s'en va comme ça. Elle a son isométrie cérébrale et elle joue avec ses chiffres. Elle est totalement consciente de ce qu'elle fait, alors elle développe ses deux hémisphères cérébraux en les rendant isomètres, c'est-à-dire qu'ils vont progressivement finir par être égaux dans leur conscience. On a un hémisphère cartésien, on a un hémisphère qui est intuitif, qui est émotif. On a souvent, vous prenez un crayon, vous écrivez de la main forte, on va dire de la droite pour l'instant. Vous voyez, c'est l'écriture d'un adulte. Écrivez de la main faible, disons de la gauche présentement, vous allez voir, c'est l'écriture d'un enfant. Il y a un de vos deux hémisphères qui est encore à l'époque de l'âge 3, 4, 5, 6, 7 ans. Puis lui, il évolue dans votre évolution parce qu'il est toujours en train de se heurter à l'autre hémisphère qui est plus adulte, plus mature. L'isométrie cérébrale va finir par faire en sorte que les deux hémisphères vont être égaux. Donc, vous allez être pas deux fois ce que vous êtes, mais drôlement plus de fois ce que vous êtes. La personne qui fait ça consciemment, là, elle va développer des périphériques, elle va travailler. Là, il y a plusieurs choses qui vont se faire. Donc, une restructuration aussi de la mécanique. On prend un exemple de ce que Menfi peut donner. Une personne âgée, souvent, lorsqu'elle contracte les muscles, elle contracte plus violemment, plus fort, plus puissamment que lorsqu'elle était jeune. Bon, alors on serre la main de son grand-père, il serre fort. Pourquoi? Parce qu'il n'a cérébralement plus la capacité de contracter des petites parties de muscles. Il contracte le muscle en entier, disons des blocs de muscles en entier. Ce qui fait que c'est tout ou rien. Alors, il contracte fort ou pas du tout. Il peut contracter plus fort parce qu'il reste d'autres parties musculaires. La personne qui est jeune, elle a un peu plus de neurones qui va donner des ordres à son système musculaire, ce qui fait qu'elle peut contracter avec plus de subtilité. Une personne qui menphise, mais consciemment, on parle encore de restructuration neuronique, donc pour répondre à la question, une personne qui le fait consciemment, elle va progressivement développer de nouveaux périphériques qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, ils sont capables de bouger partie de muscle à partie de muscle, et finalement même petit groupe cellulaire par petit groupe cellulaire, pour en arriver même à être capable de contracter cellule par cellule. Là, il va se passer quoi? Il va se passer que la personne elle a un contrôle total de son corps physique. Elle pourra le faire digérer, le rajeunir. Ça paraît très fou. Elle peut. Elle pourra le cicatriser, elle pourra le guérir, elle pourra faire plein de choses avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que le cerveau a continué à travailler. On a des personnes qui descendent d'un escalier rendu à un certain âge, ou à une marche, ou un trottoir, elles ne savent pas trop. Oui, pourquoi? Il arrive quoi? Il arrive simplement que, encore une fois, le corps physique, lentement, on perd. Il y a des neurones qui meurent et ils ne sont pas remplacés. La personne qui consciemment fait des exercices, un exercice magnifique, facile pour une personne qui a de la difficulté, par exemple, à descendre, c'est de le pratiquer, la descente, consciemment. Pas être conscient qu'elle va pas. Là, être astralement consciente, à chiale. Et une idée que c'est dur, puis bon. Donc, la personne qui fait un yoga, son yoga, la personne est âgée, son yoga, c'est de descendre lentement la marche en étant conscient. Elle est encore toute croche. Oui, elle va finir par se placer. Et c'est un yoga. C'est un tai chi. Bon, c'est une démarche flottante. Elle y va lentement et progressivement. Elle va restructurer ce qu'il lui faut pour faire cela. Moi, ce que je suggère, je suis un gars bien plat, ce que je suggère, c'est de ne pas attendre d'en être rendu là pour commencer. Les personnes doivent devoir commencer alors qu'ils n'en ont pas besoin. C'est pour ça que je dis que c'est un gars plat. Okay? T'as pas fait de santé? Parfait. Viens pratiquer ce qu'il faut pour être en santé. On est dans un monde où on veut guérir. On n'a pas jamais le temps pour entretenir. Quand est-ce qu'on restructure le système nerveux, le système neuronique ou ces choses-là, même le système endocrinien? C'est quand on fait un travail consciemment. Et on peut accélérer quand on fait certains travaux consciemment. Vous avez une paralysie, par exemple, suite à un ACV, un accident cérébrovasculaire. C'est évident que si vous faites des exercices, vous allez être capable progressivement de retrouver une motricité. Si c'est une, par exemple, un physiothérapeute qui vous aide, si c'est un bon, bien, vous allez la retrouver encore mieux. Pourquoi? Parce que lui aura une technique de recouvrement de la motricité. Donc, si on pratique une technique particulière, on peut aller mieux, mais la base, faites n'importe quoi, soyez là. Faites-le consciemment, et c'est là qu'on restructure, pas pendant le sommeil. L'énergie vitale est-elle recyclable? L'énergie vitale n'est pas altérable. Donc, elle n'a pas besoin d'être recyclée? Donc, elle n'est pas recyclable. OK. Même pas le temps de boire. Tu réponds bien trop vite. Si j'hérite ou si je gagne à la loto, vous dites que je reçois un karma collectif. Que faire pour conserver le gain sans le karma qui va avec? Bon, vous êtes déjà mal parti. Il y a des façons, quand même. Sauf que quand si l'ego pose la question, vous êtes mal parti. Si mentalement, première chose, pourquoi voudriez-vous conserver le gain? Bonne question. La majorité, là, c'est vos égos qui avaient répondu. Bon, alors, en partant, on est mal parti parce qu'on va ramasser du karma. J'ai expliqué dans une conférence sur les clés de l'abondance, je crois, qu'il y avait des individus, et ça reste toujours vrai, il y a plusieurs personnes parmi vous, à l'extérieur, hein, je ne les connais pas tous, pas encore, il y a plusieurs personnes qui, un jour, auront de la richesse. La richesse, je l'ai définie comme étant une quantité de temps et une quantité d'argent, une quantité de matière. L'argent, c'est la façon la plus pratique de transporter de la matière. J'ai expliqué que partout où on avait le temps, on n'avait pas d'argent. Partout où on avait de l'argent, on n'avait pas de temps. Quel hémisphère? On avait deux hémisphères sur la planète. Un hémisphère où les gens ont le temps, n'ont pas d'argent, pays pauvres. Un hémisphère où les gens ont de l'argent, et pays riches, puis les gens n'ont pas le temps. Si on veut parvenir à avoir de la richesse, on parle de ramasser un gain, par exemple. C'est correct. Pourquoi, à un moment donné, un être humain intelligent, donc on parle d'un être humain capable d'intelligenciation, un être humain supramentalisable, conscientisable, en conscientisation et non pas en évolution. On parle de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau. Pour qu'un être humain, un homme nouveau, avec le grand H, ait de l'argent et du temps, il faut nécessairement qu'il y en ait sur la planète. Hein? S'il n'y a pas d'argent, vous n'aurez jamais. S'il n'y a pas de temps, vous n'aurez pas non plus. Mais étant donné que présentement, si on vous donnerait votre temps et votre argent, vous pourriez ne plus évoluer. Et c'est ce qui arrive. Le plus gros des karmas des individus qui ramassent un héritage, un gros héritage, ils ramassent le karma de leurs parents. Mais on parle d'un leg commercial, la loterie. Vous gagnez 1 852 000 $ 47 cents à la loterie. Faire un chiffron. Vous ramassez le karma collectif, tout le monde a payé pour vous en donner un petit peu. Bon. Pourquoi auriez-vous gagné? Très bonne question. Vous avez gagné pourquoi? Pour cesser d'évoluer? La majorité des millionnaires ne sont pas ici ce soir. Oui, c'est ça donne, avoir de l'argent, hein? Bon. Ce qu'on doit comprendre, donc, c'est qu'à un moment donné, l'être humain aura le droit. L'homme nouveau, la femme nouvelle, la personne qui, à un moment donné, a une raison intelligente d'être sur le plan planétaire, et non plus des raisons émotives ou des raisons d'ignorance, elle aura nécessairement un cadre matériel et temporel qui sera drôlement plaisant. Les individus qui ont l'argent présentement sont des gardiens. Les individus qui ont le temps sont des gardiens, sont des banquiers. Alors, présentement, vous n'êtes pas encore en état énergétique. Vous avez un ego qui vous nuirait si vous auriez trop de temps ou trop d'argent. Alors, on garde l'argent pour vous. C'est votre argent, c'est votre temps. On ne vous le donne pas. À un moment donné, il y a une personne qui gagne. On va parler, par exemple, d'une famille particulière. Bon. Et qui déménage. Alors, il y a beaucoup de familles particulières qui déménagent. Je ne sais pas pourquoi ils rient, mais en tout cas. Alors, on parle de famille particulière qui déménage. J'ai toujours dit, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que vous entendez. Mais ça va. Pas de karma. On dit oui, mais moi, j'aurais gagné ça. Je l'aurais fait. C'était pas le temps que vous fassiez quelque chose. Oui, mais eux autres, ils dépensent tout. L'argent n'est jamais perdu. Elle circule. Ce sont des gardiens. Alors, à un moment donné, la personne ici qui ramasse à la loterie, est-ce que c'était le temps qu'elle ramasse du fric ou si elle est uniquement un gardien? Un gardien de ton argent, de mon argent, de ton argent, de l'argent d'un autre. Parce que cet argent-là, vous ne l'aurez pas tout le temps. À un moment donné, ceux qui auront une utilité à avoir du temps et de l'argent, donc de la richesse, ben, ceux qui sont vos banquiers vont finir par vous la donner. En attendant, on gagne. Moi, je gagne 1 million de dollars à la loterie. Je me ramasse donc avec un karma collectif. Qu'est-ce que je fais avec les millions de dollars? Première chose que je fais avec, je le mets en banque et je n'en parle à personne. Personne. Personne, même pas toi. Surtout pas toi. Surtout pas toi. Bon. T'as évolué. Ah oui, oui. Pense-en à ta femme. Maintenant, tout ce que je fais simplement, c'est que je regarde de quelle façon ce million de dollars va changer ma vie. S'il me permet de poursuivre ma vie, probablement que je vais le garder. J'aurai un karma collectif à payer, mais il est ténu par rapport au karma blanc que je vais ramasser. Si immédiatement ça va trop altérer ma vie, je prends un exemple. Je suis quelqu'un qui veut s'inscrire à l'Académie PMC, veut faire le séminaire, n'a pas d'argent, etc. Gagne 1 million de dollars. Ah, il lâche son emploi, puis là, il dit crime. Là, je fais le séminaire, il va tout faire d'un coup. Non, lui, là, il n'a rien compris. Il n'a vraiment rien compris. Lui, il est en train de ramasser un karma, il ramasse même le karma de ceux qui veulent évoluer. Donc, la personne doit simplement regarder, elle doit continuer à vivre comme si de rien n'était. Tout ce que le million va faire, c'est qu'il va atténuer les attaques astrales. Mais quand je dis atténuer, c'est pas « Ah, ben là, tiens, plus de propriétaire, m'achète le palace, non, c'est plus ça, là. » Là, vous commencez à redistribuer l'argent pour qu'elle s'en aille à la bonne personne. Je parle d'éliminer les... Bon, à un moment donné, vous avez quelque chose à faire quelque part, votre automobile est en panne, là, vous prenez un taxi. Pas une grosse dépense avec 1 million de dollars, à 10% d'intérêt par année, ou 11, ou 12, ou 15. Ou moins 4, ça dépend à qui on va voir. Mais on atténue, c'est tout ce qu'on fait. C'est tout ce qu'on fait. Il vous fallait un ordinateur pour écrire, vous en achetez un. Vous achetez pas, vous achetez ce qu'il vous faut. C'est rien que ce qu'on fait, juste ce qu'on fait. Puis le million, il reste là. Pourquoi? Parce que vous êtes un gardien de l'argent, vous êtes peut-être le gardien de votre argent, c'est possible. Mais on fait pas de folie, vraiment pas de folie. Donc la personne peut réellement être le gardien de son argent. Oui. En attendant. Mais c'est bien mieux. Oui. Parce que c'est plus doux comme évolution, tant qu'elle n'est pas encore dans la conscientisation. Vous vouliez vous acheter du nouveau linge, j'avais 1 million de dollars maintenant. 2 vestons, pas plus. 3 peut-être. Pas plus. 1 ou 2 paires de souliers. Pas 25. Ah, oh, mais pas grave, j'ai de l'argent en masse. C'est très grave. Vous gaspillez de l'énergie. Alors, c'est ça qu'on doit faire attention simplement. Puis là, le karma collectif, il est tellement ténu par rapport au reste que c'est plus vraiment un problème. Pour l'héritage, c'est quelque peu différent. Mais pour le gain de la loterie, là, c'est comme ça. La technologie décrite dans la cité de Seth ne ressemble-t-elle pas à celle des intraterrestres? À la fin de la cité de Seth, les intraterrestres creusent un tunnel pour rejoindre la cité. Ah, c'est une autre question. Bon, la technologie décrite dans la cité de Seth, les intraterrestres ne l'ont pas. Dans la cité de Seth, les intraterrestres ne l'ont pas. Dans le village of Sa, Il y a des mécaniques qui sont similaires parce que le village of Sword tient sa technologie de la technologie actuelle. Il y a, par contre, dans le roman La Cité de Sept, c'est un roman, mais en réalité, j'entends par roman, là, c'est une façon de passer des choses. Donc, dans le roman La Cité de Sept, on voit un peu la technologie intraterrestre, dans le tome 2, surtout, qu'on va la voir. Et effectivement, ça creuse au Québec, hein? À la fin de La Cité de Sept, les intraterrestres creusent un tunnel pour rejoindre la cité en vue de la détruire. Le village of Sword, c'est en vue de détruire le village of Sword parce que informé par la CIA, le KGB, le deuxième bureau, l'Interpol, enfin, paquet de mécaniques, ils sont convaincus que le village of Sword sert de base à une intervention extraterrestre. Alors que c'est pas tout à fait ce qui se passe, mais c'est ce qui, dans la réalité non plus, parce que le roman, c'est très réel. Ou est-ce en vue de faire la récolte de ceux qui auront été guidés vers la cité? C'est les deux. Ils veulent détruire mais c'est pas la cité. Ils veulent détruire le village of Sword et, si possible, kidnapper deux enfants qui sont d'origine extraterrestre pour faire des expériences d'alliance génétique avec eux. Ils ont essayé avec l'humain, ils essaient régulièrement avec l'humain, il y a des enlèvements, il y a plein de choses qui vont se passer. Et c'est effectivement des expériences qui sont tentées là-bas. Et dans le roman, ce qui est expliqué, c'est qu'ils vont essayer d'aller chercher plus puissant que l'humain, vu qu'avec l'humain, ça n'a pas fonctionné. L'humain nouveau, avant sa fusion, pourra-t-il se remettre au monde physiquement, consciemment, avec ou sans collaboration d'une conscience extérieure, joignant ainsi l'immortalité? Bon, tu recommences la question. L'humain nouveau, avant sa fusion... Bon, avant la fusion... C'est un homme nouveau, mais il n'est pas nouveau. Bon, tu continues? Pourra-t-il se remettre au monde physiquement, consciemment, avec ou sans collaboration d'une conscience extérieure? Il pourra se remettre au monde dans ce sens qu'il pourra, s'il est suffisamment en contact avec son double éthérique, parce que la fusion, c'est la fusion du double avec lui-même. S'il est suffisamment en contact avec le double éthérique, il pourra se remettre au monde dans ce sens qu'il sera capable de créer une cellularisation telle qu'il va modifier tout le code ADN, donc le code génétique de chacune de ses cellules, ce qui va le détacher de la génétique de ses parents, donc de toutes les génétiques humaines antérieures. De ce fait, il sera le créateur de son corps neuf. Se remettre au monde, nous naître de nouveau, ne veut pas dire ressortir d'une matrice. Ça veut dire ne plus avoir de résultante matricielle. Cela veut dire que l'être humain se reconstruit. Et on peut donc renaître, se mettre au monde de nouveau, quel que soit notre âge, quel que soit notre corps physique actuellement. Sauf que pour cela, nécessairement, il y a différents phénomènes qui doivent être connus. On en parle régulièrement en conférence, je ne pourrais pas vous les résumer tout immédiatement là. Il y a différents facteurs qui sont connus. Le reste de cette question? C'était ça, joignant ainsi l'immortalité. L'immortalité. L'immortalité, ça veut dire ne pas mourir. Ah, c'est... L'immortalité, ce n'est pas la même chose que l'intemporalité. Pour l'humain, souvent, l'immortalité, c'est l'intemporalité. Pour lui, l'immortalité, ça veut dire qu'il va vivre maintenant éternellement. Ce n'est pas ça. Un être humain n'est pas éternel. Un être humain immortel n'est pas éternel. L'être humain immortel est un être humain qui ne gagne plus le monde de la mort. C'est un être humain qui, lorsque le corps physique se dissout, garde la conscience de ce qu'il est, garde la conscience de sa présence, alors qu'une personne qui gagne le monde de la mort perd cette conscience. Un être humain qui est immortel peut perdre le corps physique. Lorsqu'il se réincarne, il se réincarne en sachant totalement ce qu'il a été. Il sait tout, il n'y a pas besoin de faire de rebirth, de palingénésie ou de quoi que ce soit pour se rappeler. Il sait tout, c'est réglé. L'être humain immortel est un être humain qui a la capacité de poursuivre à travers différents corps physiques ou, s'il a été capable de se remettre au monde physiquement, avec le même corps physique, un schéma d'évolution qui dure sur plusieurs centaines d'années. Ce qui est plus efficace, plus fonctionnel. Les égos diraient plus agréable. Aimerais-tu ça, vivre 500 ans sans mourir? Tel que je suis là? Ouais. Oui. Tu assisterais à la mort de tes enfants? À la mort de ta femme, Tu rencontrerais une nouvelle femme, sachant qu'avant... Tu rencontrerais une nouvelle femme, sachant que tu vas l'enterrer elle aussi. Ça va avoir de nouveaux enfants. Ça veut dire que ça veut dire que je pourrais collecter... Oui, comment Canego répond, hein? Je pourrais avoir leur chèque de pension au 5. Oui. Les assurés. Chance, il peut mentaliser un peu. Ça l'aide. Mais c'est ce qui arrive souvent. L'ego va dire oui. Puis quand ça arrive, tu connais-tu l'histoire de cet extraterrestre qui un jour est venu sur la planète Terre dans une sphère vitrifiée? Il souffrait d'une maladie incurable. Il est arrivé sur la Terre. Les individus ont essayé de jaser avec lui. Et puis, c'était des Américains. Et puis, ils communiquaient, mais ils se comprenaient pas. On n'entendait rien. Alors, à un moment donné, ils ont décidé de le délivrer. Alors, ils ont essayé de couper, ils ont essayé d'altérer la sphère, ça ne leur a rien donné. Et puis, à un moment donné, il y a une personne qui est arrivée par là, c'était un journaliste. Le journaliste était suffisamment télépathe, en harmonie avec l'extraterrestre, qu'il a commencé à jaser avec lui. Alors, il a dit aux gens, je le comprends. Je vais vous dire ce qu'il faut faire pour briser la coquille. Alors, ils ont placé des charges d'explosifs. À l'époque, c'est de la trinitrotoluène qu'ils se servaient, de la TNT. Bon, aujourd'hui, on a du plastique. Alors, ils ont mis de la TNT à certaines places. Ils ont organisé ça comme il faut. Ils ont mis ce qu'il fallait pour compresser tout ça. Et ils ont fait sauter la chose. Ça l'a pété, mon ami, tellement fort que l'enveloppe n'a pas cassé, mais elle a été remise en orbite. 11,4 km à la seconde. Il faut 11,2 pour quitter l'orbite terrestre. Alors, tout le monde est venu voir le gars. Il lui a dit, crime. Il s'est trompé. Et il leur a dit non. Il était atteint d'une maladie incurable. Il est immortel. Et il fallait absolument que sa maladie ne soit pas... Elle est contagieuse. Il fallait pas qu'elle contamine la Terre. Alors, il s'est organisé pour partir. Et il me l'a dit en partant. Je ne savais pas avant. Je pense qu'il leur a dit ça parce que sinon, il s'est fait passer. L'immortalité, je te demande, est-ce que tu serais heureux de vivre? Tu dis oui. L'humain ne sait vraiment pas ce qu'il répond. L'animal humain. Oui. Ouais, on a un animal humain, on a un ego, on a un être humain. Et là, il me suit, l'être humain me suit. Tout à l'heure, on s'amusait, l'animal humain répond. Tu sais qu'être immortel ou être... Mais si t'es immortel, si t'es capable de vivre 500 ans, t'es conscient. Exact, totalement. C'est l'avantage. Mais tout à l'heure, c'est l'ego qui répondait. Ouais, c'est pour ça que je dis souvent, comme dans l'évolution, on recherche des plaisirs, des choses, mais on ne sait vraiment pas ce que l'on dit. L'ego aimerait pas ça. L'ego aimerait ça, mais l'ego... Aimerait ça, mais aimerait pas ça le vivre. Le vivre à mal. Oui, aimeriez-vous rencontrer Dieu? Bon, allez voir les spiritualistes. Ils vont tous vous répondre oui. Ils n'ont vraiment pas d'idée. Chaque fois qu'ils vont rencontrer l'ongle de Dieu, ils vont immédiatement dire « Attention, le diable est là! » Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que Dieu. Ils vont en avoir une peur folle. Je l'ai même déjà dit, l'humain, quand il va se conscientiser, va avoir plus peur de ce qui est blanc que de ce qui est noir. T'es habitué à vivre avec ce qui est noir. Il n'est pas habitué avec le reste. Alors, quand on parle d'immortalité, l'immortalité, c'est une immortalité de conscience. L'immortalité de conscience va s'étirer. L'être humain est immortel jusqu'à temps qu'il devienne éternel ou intemporel. L'éternité veut dire que vous n'avez eu ni commencement ni fin. L'immortalité veut dire que vous avez eu un début, mais vous ne connaîtrez pas de fin. Grosse nuance. Moi, c'est pas l'immortalité qui m'intéresse. D'ailleurs, l'éternité non plus. Souffrir sans avoir eu de début ni de fin, pas intéressé. L'intemporalité, oui, c'est ce qui va arriver aussi d'ailleurs aux êtres humains, l'intemporalité. C'est pas ça qu'on vit quand on est conscient? Quand on est conscient, on ne vit pas tout à fait ça, parce que quand on est conscient, l'humain a une vision humaine de ce que c'est être conscient. Mais est-ce que c'est de ça qu'on se rapproche? Parce que la conscience supramentale, la journée où tu vas être capable de connaître la quantité exacte d'insectes volants actuellement sur toute la planète, et tu vas même pouvoir nous dire la quantité de larves et d'œufs en gestation de tous les insectes sur toute la planète, tu seras près de la conscience. La journée, on parle d'une conscience planétaire et globale. L'être humain ne sait pas ce que c'est que la conscience. Dans la conscience supramentale, on peut voir la planète Terre sous tous ses angles en même temps. Alors, l'humain va essayer de visualiser cela, il va dire, bon, elle va tout devenir plate, puis on la voit d'un coup. Non! Tu vas voir la planète Terre qui est une sphère, et tu vas voir tous les côtés en même temps. Ouais. Toute sa surface au complet, tous les points de vue qui existent, 100% des points de vue, tout va être clair, tout va être là. Quand tu vas voir une fleur, tu vas la voir sous tous ses azimuts. Ça, c'est de la conscience galactique. On appelle cela conscience supramentale. Ce n'est pas la fin. Les personnes souvent disent, ben, on n'a pas fini. C'est exponentiel après et surtout, regardez, ce n'est pas la fin. Dans la conscientisation, quand on arrive là-dedans, c'est pas la fin. Par contre, c'est plaisant, c'est agréable. Vous n'aurez pas hâte que ça finisse. Puis en même temps, vous n'aurez pas peur que ça finisse. Alors que présentement, on est dans un marasme évolutionnaire où on a hâte de voir la fin. Pour certaines personnes, ce sera la mort, mais c'est pas la fin. Pour d'autres, ça sera atteindre le samadhi. Mais moi, ça ne m'a dit pas grand-chose parce que ce n'est pas la fin. D'autres, ce sera le nirvana, d'autres, ce sera d'autres formes d'état. Quand tu travailles, c'est le samadhi que tu veux. Ah ouais, moi, c'est le samadhi. Pour ceux qui travaillent. C'est sûr, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui s'amusent. Donc, quand on parle d'immortalité, l'immortalité ne vient pas comme ça. L'immortalité, c'est une chose intéressante qui va arriver. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Je répète que ceux qui ne croient pas à l'immortalité, faites juste observer le fait que vous êtes vivant, ça n'a aucun sens. Hein? Vous mangez des aliments, puis c'est votre corps physique. Vous avez été petit, puis ça a grandi. Puis souvent, on dit, ah oui, mais c'est sûr, ça n'a aucun sens, mais c'est sûr. Quand on plante une graine, il pousse un arbre, c'est sûr, hein? C'est idiot, on va dire. Ça n'a aucun sens. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Les choses absurdes et impossibles qu'on est habitué de voir, c'est normal. Puis toutes les choses absurdes et impossibles qu'on n'a jamais vues ou qu'on n'est pas habitué de voir, ça, on n'y croit pas. On dit que ça se peut pas. Ben, c'est ça. Même l'immortalité est totalement possible. Qui ou que sont les archers? Ah oui, les archers. Quelle est leur mission, leur pouvoir? Pas grand temps. Pose-moi la feuille. Archer est un terme qui, dans l'étymologie ésotérique, définit plus d'une chose. Il définit surtout des mécaniques, des personnages qui ont la capacité de... C'est la même chose pour la mission aussi. La conférence, je pense, est terminée. Ils ont la capacité et la possibilité Ils appuient la mécanique archangélique d'évolution. Ils ont la capacité et la possibilité d'implanter, c'est pas tout à fait implanté, ils solidifient les trames archangéliques d'évolution, les trames stationnaires d'évolution. Donc, ils ont, ben là, c'est une grosse définition, là, donc, grosso modo, là, leur mission est simplement d'empêcher l'humain d'évoluer. Ouais. Hein, ça résume. Leur pouvoir, tous les pouvoirs attribués à la mémoire et à l'astral. Dans le contexte actuel de l'évolution de l'humanité, on peut considérer qu'ils ont presque tous les pouvoirs. Astro. Mais ils n'ont pas de puissance. La semaine prochaine, le titre de la conférence, les lois du contact avec l'esprit. L'esprit. L'esprit, c'est vrai. Donc, avec l'esprit. Bonne semaine. Vraiment.